بسم الله الرحمن الرحيم حاميم Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ha, mim. تنزيل من الرحمن الرحيم Voici une révélation émanant du tout clément, du tout miséricordieux. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون Un livre au verset détaillé, un Coran arabe, pour des gens qui savent. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون Annonçant l'heureuse nouvelle aux hommes et les avertissant. Mais la plupart d'entre eux se détournent, car ils n'entendent pas. Ils disent, nos cœurs sont recouverts d'un voile qui les sépare de ce à quoi tu nous appelles. Nos oreilles sont frappées de surdité, et entre nous et toi, il y a une barrière. Agis donc comme bon te semble, car pour notre part, nous agissons à notre manière. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين Dis, je ne suis qu'un humain comme vous. Il m'est révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Allez vers lui avec droiture. Implorez son pardon et malheur aux associatres. Qui ne s'acquittent pas de la zakat et mécroient en l'autre monde. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres auront une récompense qui jamais ne s'interrompt. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين Dis, mais croirez-vous en celui qui a créé la terre en deux jours? Lui préférez-vous des émules? Car lui est le seigneur de l'univers. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. C'est lui qui a placé sur elle des montagnes, fermement implantées, et l'a béni. Et c'est lui qui a déterminé la subsistance de ses créatures en juste quatre jours, en réponse à ceux qui questionnent à ce sujet. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين Puis il se tourna, istawa, vers le ciel, qui n'était alors qu'une vapeur informe, en lui disant, ainsi qu'à la terre, venez-vous deux, de plein gré ou contraint. Ils dirent, nous venons en toute obéissance. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا Il décréta la création des sept cieux en deux jours, et révéla à chaque ciel son ordre. Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaire, et avons assuré sa protection. C'est ainsi que l'a déterminé le Tout-Puissant, l'Omniscient. Si alors ils s'en détournent, dis-leur, je vous ai mis en garde contre une foudre pareille à la foudre qui frappa les Had et les Thamoud. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون Lorsque les messagers vinrent vers eux de toutes parts, leur enjoignant, n'adorez qu'Allah, ils répondirent, si notre Seigneur avait voulu, ce sont des anges qui l'auraient fait descendre. Nous mécroyons donc en votre message. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون S'agissant des Had, ils furent sans juste raison, prétentieux sur terre. Ils s'écrièrent, qui donc est doté d'une plus grande force que la nôtre? N'ont-ils pas vu qu'Allah, qui les a créés, possède une force autrement plus grande que la leur? Or, ils refusaient obstinément de reconnaître nos signes. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون Nous envoyâmes alors sur eux un vent impétueux et glacial durant des jours néfastes pour leur faire goûter le supplice de l'humiliation dans ce bas monde. Or, le supplice de l'autre monde est autrement plus humiliant et ils ne seront point secourus. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون Quant aux Thamoud, nous leur indiquâmes la juste direction, mais ils préférèrent être aveugles plutôt que bien guidés. Ils furent foudroyés du supplice le plus ignominieux qui fondit alors sur eux, pour prix de ce qu'ils commettaient. Nous sauvâmes alors ceux qui étaient croyants et qui craignaient Allah. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en foule devant le feu, ils y seront précipités. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Une fois qu'ils y arriveront, leur ouïe, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux, dénonçant ce qu'ils faisaient. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Pourquoi témoignez-vous contre nous, diront-ils à leur peau? Celles-ci répondront, Allah nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses, c'est lui qui vous a créé la première fois et vers qui vous serez ramenés. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Vous ne vous cachiez pas de peur que votre ouïe, vos yeux et vos peaux ne soient en mesure de témoigner contre vous. Mais parce que vous pensiez qu'Allah n'en savait pas beaucoup sur ce que vous faisiez. Cette pensée qui était la vôtre au sujet de votre Seigneur, c'est elle qui a causé votre perte. Et vous avez rejoint le nombre des perdants. S'ils peuvent le supporter ou non, le feu sera leur seule demeure. Et s'ils demandent à être pardonnés, ils ne seront pas pardonnés. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. Nous leur avons désigné de proches compagnons, qui leur embellissaient leurs actions futures et passées. Le verdict prononcé contre eux s'est donc justifié. Tout comme ils s'étaient déjà justifiés pour les peuples de djinns et d'humains, ils les avaient précédés. Tous seront perdants. Ceux qui ont mécru dire, n'écoutez pas ce Coran, perturbez sa lecture, peut-être serez-vous les vainqueurs. Nous ferons certes goûter aux mécréants un terrible supplice. Nous les rétribuerons selon les pires de leurs actions. Telle sera la rétribution des ennemis d'Allah, le feu. Là sera leur demeure éternelle, pour prix de leur obstination à rejeter nos signes. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Ceux qui ont mécru diront, Seigneur, montre-nous ceux qui nous ont fourvoyés parmi les djinns et les hommes, pour que nous les foulions aux pieds et qu'ils soient au plus bas de l'enfer. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et font preuve de droiture, les anges descendront vers eux, et leur diront, n'ayez aucune crainte, ne vous affligez point, recevez plutôt l'heureuse nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes bien vos alliés en ce moment et dans l'autre, où vous aurez tout ce que désireront vos âmes et tout ce que vous demanderez. Vous serez accueillis en hôte par un Seigneur absoluteur et tout miséricordieux. Qui tient meilleur propos que celui qui appelle à Allah, fait le bien et dit « Je suis du nombre des soumis, musulmans ». La bonne action et la mauvaise ne sauraient être égales. Repousse donc le mal par une action qui soit meilleure, et celui que tu avais pour ennemi deviendra alors le plus dévoué des amis. Seuls sont gratifiés de cette vertu ceux qui savent être patients, comme n'en est gratifié que celui qui jouit d'une immense part de félicité. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Si Satan cherche à te fourvoyer, trouve refuge auprès d'Allah, car il entend tout et il est omniscient. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Mais ne vous prosternez pas devant le soleil, pas plus que devant la lune. Prosternez-vous devant Allah, il les a créés, si vous n'adorez vraiment que lui. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Si plein de dédain, les mécréants refusent de se prosterner. Ceux qui sont auprès d'Allah lui rendent gloire, nuit et jour, et sans se lasser jamais. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. L'un de ces signes aussi est que tu vois la terre frappée de désolation. Mais dès que nous lui envoyons l'eau, elle devient animée et luxuriante. Celui qui l'a fait revivre est celui-là même qui fera revivre les morts. Il est de toutes choses infiniment capable. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Ceux qui altèrent le sens de nos versets ne peuvent se dérober à nous. Celui qui sera jeté au feu est-il meilleur que celui qui viendra vers nous en toute sécurité au jour de la résurrection? Faites donc comme il vous plaira, il voit parfaitement ce que vous faites. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. Ceux qui ont mécru au rappel, quand il leur est parvenu, seront voués au supplice. Or, il s'agit d'un livre aussi puissant que nul ne peut l'atteindre. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. L'erreur ne saurait lui parvenir, de quelque côté que ce soit, car c'est une révélation du sage, digne de toute louange. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Rien ne t'est dit qui n'ait été déjà dit au messager avant toi. Ton Seigneur a fait certes sien le pardon, mais il a aussi la punition très dure. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Si nous avions fait que le Coran fût de lecture autre qu'arabe, ils auraient dit: pourquoi ces versets ne sont-ils pas détaillés d'une façon compréhensible? Un livre non arabe pour un messager arabe. Dis, le Coran est pour les croyants une juste direction, huda, et un remède. Quant aux mécréants, ils ont les oreilles frappées de surdité et les yeux de cécité. Ceux-là ne perçoivent l'appel que de très loin. Nous avions donné le livre à Moïse, mais il y eut controverse à son sujet. N'eût été le verdict préalable de ton Seigneur, leur différend aurait été certainement tranché. Ils sont, décidément, dans le doute le plus troublant. Quiconque fait le bien, le fait pour lui-même, et quiconque fait le mal, le fait contre lui-même. Et ton Seigneur n'est certes pas injuste envers ses serviteurs. وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. C'est de lui que relève la science de l'heure. Aucun fruit ne sort de son enveloppe. Aucune femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il ne le sache. Et le jour où il les appellera, où sont donc ceux que vous m'avez associés? Ils diront: nous affirmons devant toi que personne parmi nous ne saurait témoigner de leur existence. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. Ce qu'ils auront invoqué pendant longtemps les abandonnera et ils reconnaîtront qu'il n'y aura plus d'issue pour eux. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. L'homme ne se lasse pas d'implorer Allah pour obtenir le bien, mais dès qu'un malheur le frappe, le voilà désespéré et abattu. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Si nous lui faisons goûter de notre grâce, après un malheur, il proclame « Cela est mon dû, et je ne pense pas que l'heure arrivera. Si jamais je devais être ramené à mon Seigneur, je trouverai auprès de lui la plus belle des récompenses. Nous informerons certes les mécréants de ce qu'ils auront commis, et nous leur ferons goûter au plus grand des supplices. » Quand nous comblons l'homme de bienfaits, il se détourne et prend ses distances. Et quand un malheur le frappe, il se répand en prière. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. Dis, avez-vous considéré que si ce Coran provient vraiment d'Allah et que malgré tout vous le rejetiez, qui donc sera plus égaré que celui qui va loin dans la dissidence? سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Nous leur ferons voir nos signes, en tout pays et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils sachent, de toute évidence, que ceci est la vérité même. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils sont certes dans le doute à propos de la rencontre de leur Seigneur, mais lui cerne toutes choses.